Le disque jockey Henri Mitchell est mort cet après-midi. Il s'est électrocuté dans sa salle de bain en voulant changer une ampoule. Il est mort. Comment ça, mort? L'étincelle de sa vie s'est éteinte dans sa chiasse. Son esprit est parti, mais sa puanteur demeure. Est-ce que ça répond à ta question ? Non, non, non, non, non, non, non, non, il dort. Réveille-le ! j'entends la sirène. On me met dans l'ambulance qui démarre et qui s'élance. C'est pratique le gyrophare pour doubler tous ces connards. Vas-y, elle plus sûre, ça y est, tu l'as eu. Pour un maximum, prouve que t'es un homme. Je vais y passer, je vais y passer, je vais y passer, je vais y passer. Je vais y passer, je vais y passer, je vais y passer, je vais y passer. Ah, j'ai fait le roi de la route. Voici le bus la dernière heure. Je vois déjà plus la route. Depuis un quart d'heure, j'ai fait le roi de la route. Voici ma dernière. J'ai fait le roi de la route. Voici ma dernière. J'ai fait le roi de la route. Fétide, aigre, amer, mortel, livide. Si tu as le cœur intrépide et les idées un peu morbides, la solution la plus rapide, chante le tango du suicide. Je vous laisse le choix des armes, le revolver, la carabine. Si vous n'aimez pas le vacarme, le cyanure ou la strychnine. Surtout ne soyez pas timide si vous rêvez de disparaître avant de plonger dans le vide. Songez à ouvrir la fenêtre. Les veines coupées au ciseau sous le train de 7h moins le quart, en pâture au lion du zoo ou bien pendu dans le placard. Et que cette chanson vous pousse à trouver les moyens du bord, car si la mort sourit à tous, il faut bien sourire à la mort. La solution la plus rapide, chantons le tango du suicide. Ne jamais écrire en sortant une épitaphe rancunière. Cracher sur le monde en partant ne sont pas de belles manières. Thing I like bright beside my name and lights is the back of my head, Mr. One Stripe Red. Open my front door and watch love overrated, hate spread instead as I witness Ed and Ted rob Fred for bread, broker in debt, sell debt for 2 cents, a dollar earned already spent, pocket straight to pay the rent, but money comes and goes like multiple topics and flows, pursue the paper chase to accumulate zeros. My best is yet to arrive, write and reflect the wisdom of age. I'm defeated by the forces of life to go after my father died. I used to climb a tree and stare at the stars and say that's where I'll be. So I stayed up late, worked hard to create, whether I wrote or masturbate, to be a name you equate with great. So for cake, monsoon, bread the frog, my fly, I'm your Delta 3, cheers, fully bloom, spring, pom pom, through now the sticks of time, spit the flame on. Now it's now simply imperial, deploy your possibility, turn your probability into actual fact. Gas X under a hiccup, I'll put that what you lick up, cause that's like you in sit-ups, your chin twig snaps under a fist, brief for deduction of percussion, you're dead emotion. Like a ski lodge in the oven of Delirium to the eye, place the sign that stays closed for the season. Dead in motion. Dead in motion. Dead in motion. All of mankind shall pay for this. Kurt Stryper, the loon goon with the tunes in his tune, hotter than June. Sets out a twisted crib into the fumes. Kids trip on his broom, press twills for shills, shag with the half moon. Cab to school, straight to the bathroom to take a piss and help the teacher with the creatures that inflated from the ethers and is waiting in the beakers to bite on teen features. The freaks come with sermons and parents pack bleachers. Yo, it's done, Mr. Kim. I shrunk him down to ticks. Just hit me at noon with $60 and 2 nicks. I got a split. Yo, fire all ill kicks. What's the shit, Black? Yo, how you new get? Reacting with the core breach spewing, you're darn tooting. Right after this wreck, you might expect looting. Nasty drop the rhyme like lime and tequila. Flip it like Optimus Prime to a 10-wheeler. V set the scheme on his own team like Starscream. Then go hit the bar scene all like, nah, I mean. Go to school every day, except for when he play hooky. That's the days he play bookie. If I don't study, I'ma cheat off Peter Parker. Keep a liter vodka inside my locker. Use it like a book on the Grey Goose scenario. Play you like a stereo. Hey you, where we go? I'm about to blow one of y'all monkeys out the frame. Whoever took my locker to my Donkey Kong game, watch. Don't even try to put it back so I can find a later word to cox. We'll be right back. avis, c'est... Parce qu'on a trouvé que ce petit sac-là, parce qu'au début, je voulais le mettre dans la baignoire, quoi, mais j'ai eu peur qu'il saute par-dessus le rebord, alors... Il est mort. Il est mort. Mais non, il est pas mort. Il se repose, hein, Moby Dick. Tiens, il a bougé. Ouais. Hein? Il est mort. Mais non, je dis qu'il fait son intéressant Moby Dick. Moby Dick. Il est mort. Vous l'avez tué. C'est un poisson exotique. C'est l'eau chaude et salée, il fallait. Oh, vache, tu savais, toi. Ah, mais c'est pour ça qu'il a un regard étonné quand tu l'as mis dans le sac plastique. From all over the world and under the sea, come to me now in my hour of need, and render to me the good you've rendered to others. When you raise the dead, things on me. To the O, to the M, to the B, to the I. Get me? Zombie. Yes, you know. Go turn unless you tell him to turn. Zombie. Zombie no go tick unless you tell him to tick. Thank you. Everybody pass me by. Down at the Congo, baby, riding the song going down. Good friend, it's good to know I'll know you until the end. I could never forget you before I even met you. It's good to know I'll know you till the end. Sweetheart, it's good to hope that we should never have to part. I could never forget you before I even met you. It's good to know I'll know you till the end. We'll be right back. contente que vous soyez venue. Voilà notre petit lit d'amour. Vous ne devez pas voir mon visage, mais vous pouvez connaître mon nom. On m'appelle la mort. Floating in the rain, we're there in this disgusting chain. Lighting to a Il faut que vous soyez bonne. Il faut que vous soyez travailleuse. J'ai le regret de votre mère. C'était un morceau de joie. Je ne m'entends guère à parler. Votre mère, elle, savait parler. Elle savait rire. Moi, je n'ai pas de plaisir dans le langage, ni dans la compagnie des gens, ni dans la compagnie des livres. Mais je vous aime toutes les deux. Et voilà qui suffit. with the voice I have no more. With the tongue I have no more. I am singing heaven of the home I have no choice of his fate set themselves out upon a platform to choose. What had he to lose? Not a ghost bloody country all covered with sleep, where the black angel did weep. Not an old city street in the east. Gone to choose. And Wandering's brother walked on through the night with his hair and his face long, long splinted cut from a knife. The rally man's patter ran on through the dawn until we said so long to his skull. Shrill yell. shining brightly red-rimmed and red-lined with the time of cruise, with the choice of the mine on ice skate, scraping chunks from the bills. Cut mouth bleeding razors, forget in the pain, antiseptic remains, cuckoo by. So you fly to the cozy brown snow of the east. Gone and choose, choose again. Day to day, they say no other way. This stuff is really bad. I'm talking about Le malheur est en nous. Le malheur est dans la race de merde. Le malheur est dans l'histoire, dans les traditions, dans la religion. C'est toi qui l'as dit, mais je l'ai. C'est la merde en moi. C'est la merde en moi. C'est la merde en moi. C'est la merde en moi. Et c'est la merde en toi. On est dans la merde, putain. On va tous crever, on passe notre temps à flipper comme des cons. C'est la merde en moi. C'est la merde en moi. C'est la merde en moi. C'est la merde en moi. Et on détruit soi-même avec la drogue et l'alcool. Et la vie passe, merde. Et la vie passe, et la fatigue, et la dépression, et la mort. C'est la merde en moi. C'est la merde en moi. C'est la merde en moi. C'est la merde en moi. Au secours, mais je l'en j'étouffe. Je rigole comme ça par devant, mais par derrière, je suis en train de crever. Oh, tu vois pas que derrière mon sourire, il y a la mort. Tu vois pas ma bouche édentée, tu vois pas mes yeux fatigués. Je rigole comme ça parce que je suis bourré. Mais à l'intérieur, putain, je suis dans la merde. C'est la merde en moi. C'est la merde en moi. C'est la merde en moi. C'est la merde en moi. Dead man, DJ. D'abord le visage d'une femme au bout de la jetée. Il courut vers elle. Et lorsqu'il reconnut l'homme qu'il avait suivi depuis le camp souterrain, il comprit qu'on ne s'évadait pas du temps, et que cet instant qui lui avait été donné de voir enfant, et qui n'avait pas cessé de l'obséder, c'était celui de sa propre mort. Oh,